Chapitre 69e, la main broyée. Il se hâta, aida Gabriel à passer, et il courut à la casemate, enfonça la porte et pénétra. Sa lampe électrique à la main, il parcourut la casemate dans tous sens, rapidement. Gabriel, revolver au poing, se tenait devant la porte pour empêcher la fuite de quiconque. Mais la casemate, n'offrant qu'un réduit où il fut possible de se cacher, Paulin Broquet vit tout de suite que ceux qu'il poursuivait, ceux qui avaient provoqué l'explosion d'une de ses boîtes, étaient partis et s'étaient enfuis avec une promptitude, une adresse merveilleuse. De la part des aides ou des Japonais, cela ne pouvait le surprendre. Poursuivant quand même ses recherches, il aperçut le commandant Girard et le lieutenant Charlet, qui, sur leur lit de camp, continuaient paisiblement leur sommeil, que la violence de l'explosion n'avait même pas troublé. Paulin Broquet se pencha sur eux, respira leur haleine. « On les a endormis, » dit-il. « Je reconnais la senteur fade d'un anesthésiant chinois. Ce stupéfiant n'a, quand on le prend, aucun arôme, aucun goût qui puisse révéler sa présence. C'est seulement quand il produit son effet, quand le dormeur respire, qu'il s'élimine et se trahit en corrompant la laine. Nous avons affaire aux Japonais. Ils ont dû faire boire de ce produit aux officiers, le leur faire absorber en pastilles ou en dragées quelconques, ou le leur faire fumer dans des cigares ou des cigarettes. » Naturellement, le bruit de l'explosion avait causé une vive alarme au camp. On était accouru. Paulin Broquet sut faire comprendre aux officiers, aux sous-officiers de garde, qu'il devait empêcher qui que ce fût de pénétrer dans la casemate. Lui reprit ses perquisitions. Il ne fut pas long à reconnaître le canon dont la boîte d'acier Saint-Jean-le-Der avait fait explosion. Il vit des éclaboussures de sang, ramassa un doigt coupé net. Les traces de sang continuaient à travers la casemate, pointillant le sol, puis sur l'une des planches blanchies à la chaux, formant le mur de la casemate même, une main avait laissé une empreinte de sang à laquelle manquait un doigt. Paulin Broquet avait entre-temps lancé un coup de sifflet. La mort et un homme apparurent. Paulin Broquet plaça son homme devant la planche portant l'empreinte sinistre, et il chargea l'amorce de veiller à ce que personne ne touchât quoi que ce fût ici, et d'attendre le réveil du commandant Girard et du lieutenant Charlet. Lui, avec deux ou trois hommes de sa brigade, et naturellement Gabriel, il se lança à la poursuite des Japonais. Les Japonais, sitôt l'explosion produite, surpris, se croyant vraiment au but, et ne s'attendant certes pas à un piège, s'empressèrent autour de leurs camarades blessés, le lieutenant Maritsu, et l'emportèrent. Il fallut une formidable dose de volonté, d'énergie, aux blessés pour ne pas tomber sous le coup de cette effroyable blessure, pour ne pas s'évanouir sous la douleur. On lui enveloppa rapidement la main d'un mouchoir et on l'entraîna. Les trois hommes, les trois bicyclistes, se glissant encore comme tout à l'heure pour venir dans le camp, tels des tigres, et profitant heureusement du désarroi provoqué par l'explosion qui attirait tout le monde sur le même point, regagnèrent douloureusement le fossé dans lequel ils avaient déposé leur vélo. Ils les portèrent sur la route et allaient sauter en selle, quand ils constatèrent que leur chaîne était enlevée des pignons, que leur bicyclette était par conséquent inutilisable. Alors, pour ne pas laisser derrière eux de nouvelles preuves pouvant les confondre lors de l'enquête qu'on allait faire certainement, ils les firent rouler devant eux et se mirent à courir. Un des Japonais prit la bicyclette du blessé. L'autre, tout en poussant la sienne, soutenait le lieutenant Maritsu, l'encourageait, l'aidait à courir aussi. Ils n'allèrent d'ailleurs pas bien loin dans cette pénible équipée. Le bruit de l'explosion avait été entendu et l'auto sans lumière accourait. Les deux Japonais qui s'y trouvaient, se doutant que quelque chose d'anormal devait se passer, accouraient pour porter secours. On hissa le blessé, puis les bicyclettes, et la voiture s'éloigna à une vitesse qui eut rempli d'aise, si dit l'Algérien. Mais elle ne revint pas à Versailles, elle gagna Paris. On monta directement le lieutenant Maritsu dans l'appartement qu'il occupait, et des médecins japonais, immédiatement contactés par téléphone, le célèbre docteur Yeritsu en tête, s'empressèrent d'accourir. Ici se passa une scène qui donne bien la valeur de l'âme japonaise. Ce va-et-vient dans la maison avait, naturellement, attiré l'attention non seulement des concierges, mais aussi des voisins. Il fallait pouvoir demain donner une explication de ce mouvement nocturne anormal. Alors un des officiers camarades du blessé, pendant que les docteurs examinaient la main fracassée et en constataient l'effroyable meurtrissure, se mit au piano et joua gaiement des valses, chanta et fit chanter ses amis pour que demain on pût dire « Les Japonais hier soir, ils ont fait la fête. » Pour qu'on pût déclarer, sans se douter du sinistre rapprochement, ils étaient en bombe. Pendant ce temps, Les médecins, ayant longuement, minutieusement étudié la main blessée, déclaraient que cette main était perdue, qu'il fallait absolument la couper. Le général Baron Osaka se trouvait là. « Couper la main, » dit-il froidement. « Non, il ne faut pas la couper ce soir. » Cependant, demain, nous ne répondons pas que la gangrène ne fasse son apparition. « Arrangez-vous pour que cela ne soit pas, messieurs les médecins. Nous sommes accrédités pour suivre les expériences du DR. Nous devons tous être comme aujourd'hui là-bas. Tous, au complet. Comprenez-vous? Complet. » Le lieutenant Maritsu, qui est mon officier d'ordonnance, doit s'y trouver plus que les autres. Oui, général. L'explosion a donné l'alarme et une enquête est ouverte. Si demain on ne voyait pas à côté de moi le lieutenant Maritsu, aucune raison plausible ne ferait accepter son absence. Si on le voyait blessé, amputé, tout serait découvert. Or, nous avons besoin d'être là. Nous devons être là tous, comme aujourd'hui. Il y va, messieurs, de l'honneur du Japon. Les médecins s'inclinèrent. Ils firent de leur mieux. Non pour sauver la main du jeune officier, absolument perdu, mais pour qu'elle fût en état demain de paraître dans un gant, pour qu'on ne vît pas qu'elle était broyée, pour qu'elle ne fût pas gênante pour les travaux de la mission japonaise. Le baron Osaka reprit, toujours impitoyablement calme et froid, « Vous déclarez que l'amputation est urgente et nécessaire. Absolument. Bon. Quand on aura pu constater suffisamment que le lieutenant Maritsu a ses deux mains, il lui arrivera un malheur. Il se fera broyer la main. » Et vous pourrez, messieurs, alors la lui amputer. » Le lendemain matin, les Japonais regagnèrent leur hôtel à Versailles après avoir fait, nous savons comment, la fête à Paris.